pourquoi systématiquement pour oublier les amants de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jajun pour vous killer, c'est 12°5. Je bois la pire des lignasses, c'est dégueulasse, mais ça fait pas 7 ans. La vie était tellement marrant, la vie était tellement vivante. Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions. Je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois sans y prendre plaisir pour être sûr, pour ne plus voir ma gueule. Je bois dès que j'ai des loisirs, et ne plus me dire il faudrait en finir. La vie était tellement marrante, la vie était tellement vivante. Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour quand-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions. Les amants de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jajun pour équiler, c'est 12°5. Je bois la pire des vignasses, c'est dégueulasse, mais ça fait pas 7 ans. La vie était tellement marrante, la vie était tellement vivante. Je pose ces deux questions. La vie peut-elle être vécue? L'amour peut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions. La vie était tellement marrante, la vie était tellement vivante. Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions.